OF4, activité 53. Écoutez les phrases qui suivent et indiquez les liaisons en reliant les deux mots. 1. Je vous admire. 2. C'est important. 3. Vous êtes énervé. 4. Ils sont arrivés très fatigués. 5. J'y vais de temps en temps. 6. Vous avez de beaux enfants. 7. On arrive au dernier étage. 8. J'en ai besoin immédiatement. 9. J'écoute les nouvelles en allant au bureau. 10. Elles ont beaucoup de travail. 11. Le prochain avion partira à 10 heures. 12. C'est une bonne idée quand on y pense sérieusement.